Aujourd'hui, direction la patinoire de la Barre à Anglette, où nous allons vous faire découvrir de l'intérieur l'avant-dernier match de l'Ormadi Hockey Club. L'Ormadi qui joue pour les play-downs. Et nous allons vous faire vivre de l'intérieur cette ambiance magique du chaudron Angloy. Quand on rentre au chaudron, évidemment, on tombe sur la sécurité. Et ce soir, je suis en présence de Sébastien de la société APRS. APRS, bien connu pour toute la couverture des événements en termes de sécurité ici sur Bayonne, sur Anglette, sur Biarritz, sur Mont-de-Marsan, sur Dax. Et sur Sébastien, comment on prépare un match comme ce soir en termes de sécurité? Donc nous, au niveau effectif, nous sommes 7 personnels disposés de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a des personnels qui sont au niveau du grand public et au niveau du réceptif. Donc nous, notre rôle, c'est d'accueillir le public, de contrôler tous les accès au niveau des sécurités, au niveau des loges, au niveau des réceptifs et au niveau de l'accès au grand public. Sébastien, est-ce que l'ambiance au chaudron donne quelque chose de particulier en termes de sécurité pour vous ? Ah oui, oui, oui, puisqu'en plus ici c'est une enceinte qui est très famille, c'est très familial le club d'Anglette, l'Ormadi, donc c'est assez facile à gérer puisqu'on se connaît tous, donc il n'y a pas de souci avec les supporters, on arrive à les canaliser très facilement. Merci Sébastien et bon match. Monsieur le Président, dans quel état d'esprit le club se trouve aujourd'hui ? Dans un état d'esprit de construction pour continuer à avancer. On est dans un état d'esprit de finir. On a retrouvé du plaisir, de la discussion. Voilà. Après, ça reste du sport, tout est possible. Et nos adversaires, même si on est en bas de tableau, sont pas mal. On a vu des play-offs qui étaient surprenants avec Amiens qui a tenu tête, avec Marseille qui a moins tenu tête. Voilà, on a vu des choses. Briançon qui a été énorme. Voilà, donc aujourd'hui on s'attend à tout sur la glace, mais là on prépare demain aussi en même temps. Donc c'est une période de transition qui est compliquée. Comment vous pourriez décrire l'identité de l'Ormadi aujourd'hui dans le monde du hockey ? Alors atypique, je dirais, parce qu'on est le seul club dans le sud-ouest complètement isolé, avec le club le plus proche en France étant à 180 km à Bordeaux, et l'autre Toulouse à 280. Et avec la mer à gauche, les Pyrénées dans le dos. Donc voilà, club atypique, mais de passionnés. Et c'est ce qui surprend toujours. Quoi, avec, là, les jeunes sont en train de faire des phases finales. Voilà, Anglette a battu Rouen aujourd'hui 6-5 à la patinoire de Grenoble, donc en U18. Voilà, donc c'est un club de passionnés, de guerriers. Et des fois, c'est peut-être ce qui nous a manqué au cours de la saison. Quoi. Des étrangers qui viennent ici, voient le soleil, la plage et ils oublient de voir qu'on est guerriers. Ouais, avec de nombreux jeunes, hein, qui sont sur la section amateur, avec une école de hockey qui est tout à fait performante aussi, avec beaucoup de jeunes, et de plus en plus, je crois. Ça, c'est pour les jeunes. Et puis après, il y a les vieilles crosses qui sont encore là. J'ai pu en croiser tout à l'heure dans le couloir avec grand bonheur des anciens joueurs comme Thomas Molia, qui a fait toute sa carrière à l'Ormadi, hein, qui aura joué de tout petit jusqu'à la fin, et bon nombre d'autres. Et quelle place le public occupe-t-il dans la réussite du club ? Est-ce que pour vous, c'est important ? Alors, c'est très important, mais... On a le public qu'on mérite, et quand je dis ça, c'est il faut arriver à les motiver, à les transcender, et je pense que sur les derniers matchs, c'est ce qu'ont fait les joueurs, et on a eu un public qui nous a suivis et qui les a boostés, et voilà, donc je pense que c'est à nous de mettre l'étincelle, et au public de suivre. Là, ben, on est super content, super satisfait de voir que la patinoire est à guichet fermé quasiment depuis 6 matchs. C'est top, on a une bonne ambiance, on voit de beaux matchs même quand on perd, hein. On n'a pas fait de mauvais matchs, on a eu 2-3 matchs dans l'année où on est passé à côté, mais bon, c'est plutôt plaisant, et le public, oui, ben, le but c'est de faire monter, de lui faire plaisir, mais que ben, derrière il crie quand il faut, quand le club a, ben, les joueurs ont des difficultés. Bien sûr. mais également, on peut, je crois, tirer un grand coup de chapeau aux jeunes hein, qui sont au service partenariat ou à la communication. Quand on voit l'engouement sur le match, vous avez reçu notamment les commandos, les militaires du 1er PMA, c'était une façon aussi, une animation de fédérer pour fédérer le public, hein, leur apporter autre chose que le match. Le match en lui-même, il y a un spectacle avant, il y a le match, il y a les cartons qu'il faut occuper. C'est tout un ensemble en fait. Oui, on a essayé de créer une vie à l'intérieur de la patinoire, hein, parce que c'était ce qu'on pouvait reprocher. Déjà, c'est froid au départ, une patinoire. Et si on met un peu de chaleur, ben, on a froid et puis voilà. Donc, merci à tous les personnes qui animent les buvettes. Merci à toutes les personnes qui donnent un coup de main au club. Voilà, c'est top. Les étudiants qui sont là pour nous aider aussi, puisqu'on a un partenariat avec une école. Merci, voilà, donc c'est compliqué pour eux parce qu'on les maltraite pas, mais on les fait grandir. Donc c'est compliqué des fois pour eux. Et voilà, et merci oui à l'équipe des salariés qu'on a dans le club parce qu'on n'est pas très nombreux pour faire un gros boulot. Ah, c'est très chouette. Et puis si vous auditeurs, vous êtes à l'écoute et que vous écoutez ce podcast et que vous avez envie de vous engager auprès de l'Ormadi et de devenir partenaire, de venir voir un petit peu ce qui se passe, vraiment ça vaut le coup de venir jeter un coup d'œil, de venir voir cette ambiance au chaudron à Anglet, parce que le hockey à Anglet, je me trompe pas si je dis, c'est plus qu'un sport, non? Alors pour moi, c'est une passion. Hein. Donc on parlait de Thomas Moliage et Xavier Darami à côté de moi. Moi, j'ai grandi, j'ai commencé en 76 dans la patinoire. Donc c'est un sport, une famille. Même si quand on est en pro, le terme de famille est faux parce que c'est pas vrai. On le recrée, mais forcément, il y a des personnes étrangères qui arrivent et qui rentrent dans cette famille et il y a une adaptation. Qui fait que, ben voilà, donc, mais non, c'est top, le hockey, c'est un sport qui, je regardais les titres qui parlaient de Lionel Jospin aujourd'hui avec le basket, où il disait que c'est un sport collectif, mais avec de l'individualité, où tout le monde doit participer, le hockey, c'est la même chose sur la glace, c'est les mêmes tactiques quasiment que le basket, et voilà, donc c'est un sport que j'ai aimé, j'ai essayé le rugby, mais le rugby, on était 15, j'étais devant, je touchais jamais le ballon à l'époque. Et au hockey, ben, on nous envoie le palais, il faut faire quelque chose. Donc ça m'a forcé à sortir de mon cocon et ça met beaucoup d'équilibre. Et les jeunes, ça les fait grandir énormément. Merci Monsieur le Président, merci encore une fois de nous recevoir au sein de la patinoire ce soir et bon match surtout. Je suis maintenant avec donc Thomas Molia. Thomas qui a la particularité d'avoir chaussé les hockey ici à la patinoire d'Anglet à 3 ans et demi, qui aura fait toute sa carrière à l'Ormadi jusqu'à l'équipe pro. Et puis Thomas n'a jamais quitté le monde du sport puisque après il a travaillé pendant des années dans le rugby professionnel au Stade Montois Rugby Pro puis à l'Aviron Bayonnais. Aujourd'hui Thomas est courtier en assurance et Thomas est également maintenant à l'Ormadi président de l'amateur de tous ces jeunes. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'école de hockey, des amateurs, de tout ce qui est organisé autour des jeunes et autour de l'amateur au hockey? Ben aujourd'hui, le club compte 478 licenciés exactement. Donc, ça fait beaucoup d'enfants et d'adultes qui pratiquent le hockey sur glace, que ce soit en loisir comme en compétition. On a notamment ce week-end nos U18 championnat de France qui sont en demi-finale et les U18 Ligue Espoir, le niveau au-dessus, qui sont également en demi-finale du championnat de France. Donc là, on parle vraiment de la partie vraiment compétition. Et on espère bien qu'ils vont se qualifier pour la finale du championnat de France. Donc tout se passe bien à ce niveau-là au niveau de la formation. On a beaucoup d'encadrants, que ce soit bien sûr des personnels salariés et diplômés, et également bien sûr beaucoup de bénévoles autour du club, comme toute association. Et on le voit encore ce soir, tous les parents bénévoles qui donnent un coup de main pour essayer de nous accompagner, pour pouvoir financer ce sport, et surtout financer le sport des enfants et qu'ils puissent faire leur passion tous les jours à la patinoire d'Anglet. Si vous venez à la patinoire, en tout cas, à découvrir ce magnifique sport qu'est le hockey sur glace, ne loupez surtout pas de passer à la buvette amateur et de vous régaler des délicieux talos qu'ils vous proposent. C'est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance, ce sont que des bénévoles, des mamans d'enfants qui jouent également. Alors Thomas, est-ce que toi-même, tu pratiques toujours un peu le hockey? Est-ce que tu fais partie des vieilles crosses? Comment tu donnes encore plus à l'Ormadi? Parce que je sais que tu t'occupes depuis plusieurs années d'un tournoi qui est absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est? Alors sur le plan sportif, j'ai pas trop m'étaler parce que justement les fonctions de président prennent beaucoup de temps, donc j'ai plus trop le temps d'aller le jeudi soir avec les vieilles crosses, même si je suis quand même inscrit et dès que je peux aller chausser les patins et retrouver les copains, je le fais avec grand plaisir. Mais en effet, voilà, en plus de la partie association, je suis aussi membre je fais partie des fondateurs d'une autre association qui s'appelle l'Eshkadi Cup, où on est quatre anciens joueurs du club à œuvrer pour le développement du hockey en France, du développement du hockey en Angleterre surtout. Et on organise tout au long de l'année trois événements. Donc le premier qui a été la base, le socle de notre association, qui est l'Eshkadi Cup. C'est un tournoi qui réunit des joueurs professionnels et des joueurs anciens professionnels au mois de juin. Donc cette année, ça va être le week-end du 26, 27, 28 juin. C'est l'entrée gratuite, donc j'invite tout le monde à venir voir. C'est du 3 contre 3, c'est très spectaculaire et c'est super sympa. Bien entendu, il y a tout ce qui va autour. On est là aussi pour s'amuser, prendre beaucoup de plaisir autour de ce sport. Et également, on organise la même chose maintenant, un autre tournoi pour les petits. Donc il se passe celui au week-end de la Toussaint. Donc pour les catégories 11 et U13, sur le même format que les grands. Parce que les petits étaient contents de venir voir les grands, on leur a dit, mais pourquoi pas faire un tournoi pour eux. Et après cet été, également, on organise deux semaines de stage à la patinoire d'Anglet. Et l'objectif, c'est que tous les bénéfices que l'on réalise sont reversés intégralement à la partie amateur. Donc là, je me retrouve un peu avec une double casquette, ce qui est un peu compliqué, mais donc ça me permet de veiller au grain que bientôt, je vous confirme que voilà, cette année, on a reversé 32 000 euros. Donc cette association, ils sont aussi le plus gros partenaire de l'amateur. Donc voilà, on est très fiers de ça et ça permet de pouvoir acheter des véhicules pour véhiculer les enfants en toute sécurité, ce qui est le plus important, je pense, aujourd'hui. Les parents nous confient les enfants et c'est à nous de nous occuper comme il faut d'eux. Je vois que Thomas, encore une fois, tu te ménages pas, hein, puisque ça fait des années que je te connais et que tu es vraiment investi dans tout ce que tu peux faire et à chaque fois dans le sport ou dans tes différents métiers, dans le rugby et autres. Et puis oui, je vous invite vraiment à venir, notamment sur ce tournoi adulte, hein, où vous allez avoir les pointures, hein, les internationaux qui sont là, les anciens. J'aperçois là du coin de l'œil très loin Zaza, Xavier Darami, qui a été longtemps le capitaine de l'Ormadi, qui est aujourd'hui le directeur de la patinoire et qui sera aussi sur le tournoi et qui fait partie des organisateurs. Thomas, merci de ton accueil, merci pour cet accueil à la buvette amateur, et je vous donne rendez-vous à la patinoire d'Anglet. Nous sommes sur l'avant-dernier match, il reste encore un match, donc si ça vous dit, venez, prenez des billets. Ce soir, il y a pas loin de 1400 personnes dans le chaudron. Je vais me diriger maintenant au milieu du chaudron vers les supporters pour leur tendre le micro. Merci Thomas. Comme vous l'entendez, je suis en plein milieu des supporters, en plein milieu du chaudron, et ça fait du bruit ce soir. Ils sont là pour effectivement encourager l'équipe. Nous sommes dans le premier quart-temps et les équipes sont à 0-0. Bon, qu'est-ce qui vous motive pour venir à chaque match encourager l'Ormadi? C'est votre équipe favorite? Vous jouez au hockey vous-même? Non, je ne joue pas au hockey, mais c'est l'ambiance, c'est la convivialité entre l'association, entre le club, les joueurs, on les voit souvent, etc. C'est une envie folle de retrouver ma place dans les tribunes. Bon, gageons que Anglet gagne ce soir, hein, c'est important. Ah bah évidemment, évidemment, attendez. Je crois que les jeunes ont gagné à Rouen. Tout à l'heure, donc ça c'est déjà top pour l'amateur. Et maintenant, place au pro, place au match, et bon match à vous, et faites du bruit pour encourager ces magnifiques joueurs sur la glace. Allez, merci beaucoup. Mathieu, qui est le responsable com de l'Ormadi, poste clé évidemment à l'Ormadi. Mathieu, la communication à l'Ormadi, ça consiste en quoi en fait? Eh bien, tout simplement montrer une image du club que nous, on souhaite donner aussi, et ce qu'on fait exactement les sorts de match au travers des animations, de notre patinoire qui est aussi atypique, et de ce club qui est atypique au bord de la plage. Donc nous, l'objectif, c'est de montrer, donner envie aux gens de venir voir les matchs. On a une patinoire qui est souvent pleine cette saison, et la com, je pense, a un grand rôle là-dedans aussi, donc c'est important d'être assez soigneux, on va dire, sur ce point-là. Donc donner une belle image de ce club de l'Ormadi. Merci, on voit effectivement, hein, puisque vous jouez, vous gérez également les relations presse, vous gérez le site internet, vous gérez les Insta, enfin tout ce qui existe, et puis surtout, les soirs de match, avec ton collègue, vous organisez des spectacles, et ça c'est vraiment chouette, parce que effectivement on vient pour un match, mais on vient pour un spectacle. Le match fait partie du spectacle, mais l'avant-match, les cartons, la fin de match, c'est aussi un spectacle. J'ai souvenir il y a quelques semaines d'avoir vu ici les militaires du premier PMA. C'était une animation tout à fait exceptionnelle. Donc vous êtes toujours en recherche en fait de nouvelles idées pour ces spectacles. Ouais, tout à fait. Nous, on a l'habitude de dire qu'on peut trop rien faire sur le sportif. Donc notre but, c'est de vraiment animer autour de la glace et que ce soit toujours parfait et irréprochable autour de la glace. Donc voilà, à travers des différents matchs à thème qu'on organise chaque mois, on essaie de, voilà, de faire venir des intervenants extérieurs comme le premier PMA. On a eu les sapeurs-pompiers aussi d'Anglette. On a aussi Octobre Rose chaque année avec la ville d'Anglette qui met en avant, voilà, la lutte contre le cancer du sein. On a aussi des récoltes de peluches pour les enfants malades au mois de décembre à Noël. Donc à travers tous ces matchs à thème, nous le but c'est vraiment de faire vivre le club autour de la glace et de faire du mieux possible pour satisfaire aussi le public, les partenaires et abonnés. Donc je pense qu'on est plutôt bien là-dessus. On a encore du boulot pour se développer, mais voilà, on a une bonne ligne directrice, pardon. Merci Mathieu, merci, et puis je vous invite évidemment à rejoindre, hein, les tribunes de la patinoire ici en plein milieu du chaudron où j'étais tout à l'heure avec les supporters pour vraiment découvrir le match en lui-même, mais également le spectacle proposé par les équipes professionnelles de l'Ormadi. Merci Mathieu et belle soirée. Nous sommes dans le troisième carton, l'Ormadi est mené 3-1. Je vous donne rendez-vous pour tous ceux qui veulent, tous les auditeurs, à la patinoire pour l'ultime match de l'Ormadi. L'ultime match de l'Ormadi, ce sera le mardi 7 février à partir de 19h30 ici à la patinoire d'Anglette pour encourager une dernière fois cette équipe professionnelle sur la glace dans ce chaudron à la patinoire avec des matchs vraiment très très vivants. Et à l'instant, un but d'Anglette qui remonte. 3-2 maintenant. Les joueurs sont en liesse. Le public exulte de l'autre côté, en face de moi, dans les tribunes. Et je pense que le match est relancé à nouveau. C'est très sympa de voir cette ambiance parmi vous ce soir dans cette patinoire. Je vous invite vraiment à venir voir ce spectacle qui est vraiment très sympa, très vivant, avec des gars qui sont vraiment très très costauds sur la glace.